faut la vie, faut s'y prendre. Celle de moi qui est violente ne veut pas rentrer sous la tente. Celle de moi qui est colère ne veut pas de copropriétaire. Celle qui voudrait vivre autre chose en attendant la métamorphose. Alors je me tire avec moi, je vais faire un tour avec moi. Y'a que moi qui sait, qui sait moi. Ma seule solution c'est moi. Ce soir je ne suis pas seule. On ne fait pas ta gueule des bagnoles. J'ai besoin de me retrouver. Ce soir je me sens. Je suis sûre que je vais m'intéresser, me découvrir. Vérifier que tous mes personnages font bien partie de mon emballage. Je vais m'aimer dans tous les rôles, surtout ceux qui ne sont pas drôles. Accepter même les bas morceaux, car ceux-là aussi me tiennent chaud. Alors je file avec moi, ce soir je suis entre moi. Ce soir entre moi et moi, ce soir je m'aime même moi. Moi je ne peux pas me trahir. Un peu cru, ce soir je m'étais débattu, ce soir.